Ah, c'est un truc de malade. Là, on a fait juste la... Abbeville. Voilà, là, on a fait Abbeville, il y a quelques jours, là. Mais c'est vrai que là, c'est des extraits de la tournée, la pré-tournée qu'on a faite. La première partie. En fin d'année. Voilà, c'était n'importe quoi. Excuse-moi, je n'ai pas salué cette voix cette voix douce qui arrive d'un seul coup et qu'on entend rarement, parce que généralement, il est derrière les platines. Donc, il fait plutôt travailler les mimines qu'autre chose. Mais là, c'est vrai qu'il a une voix aussi. Monsieur DJ Mejela, comment va? Très bien. Et c'est vrai qu'il fait aussi partie de la tournée, donc à n'importe quel moment. À un moment donné, là où il y a soprano, je suis derrière. À n'importe quel moment, il peut intervenir d'ailleurs. C'est ça. C'est quoi d'ailleurs la différence entre la première partie de tournée Sopra et celle-ci, là, le Cosmotour qui va passer par Toulouse là, dès le 10 mars, Dijon, Zénith. C'est tournée des Zéniths, hein, pratiquement. Ouais. Le 20 mars à Paris. La différence, elle est simple. C'est. Comment te dire, on va en parler toute la semaine. Il y a des invités qui vont venir, qui font partie du show. On va parler de tout ça. Mais c'est vrai qu'on a essayé, parce que vraiment le niveau de la pré-tournée, c'était n'importe quoi. Les gens chantaient tout, des anciens morceaux jusqu'à ceux d'aujourd'hui. Et là, on a rajouté un peu plus de show. Ça veut dire il y a une histoire, il y a danseurs. Donc il y a des surprises qu'on va pas dévoiler. Ouais, il y a des trucs qu'on va pas dévoiler. Scènes différentes par rapport à celles qu'on a fait. Voilà. Il faut occuper les scènes. C'est vrai que c'est des grosses scènes là en plus. Ouais. Il y a un décor que je peux pas dire, ça je te le dis même pas à toi parce que toi tu me balances. Mais comment ça s'appelle? Il y a un super décor. Vous l'aviez à Ville ou pas? Vous l'aviez le décor? Non. Ça commence là au Zénith. Non, exactement. Au Zénith de Toulouse le 10 mars. Mais je te dirai rien. Tu dis trop les choses, on peut pas te dire, tu gardes pas les secrets. La dernière fois, du secret du futuring, tu as vu balancer. Moi, tu ressors en plus une vieille histoire de l'album des psychiatres. Il y a quelques années de cela, je crois que c'est sur les Cités d'Or, non? Il me semble, c'était. Pour Nat Dog. Il avait balancé Nat Dog. Donc tu sors déjà une vieille histoire depuis, il y a eu plein de projets. Il y avait par exemple Alonso qui était là il y a pas très longtemps. Je n'ai rien dit. Tu as failli balancer par rapport au clip. Mais bon, on n'en parlera pas. C'est pas grave. Tu sais qu'on t'aime bien, il n'y a pas de problème. Donc il y a un décor à partir du 10 mars. Voilà, il y a un décor, il y a une histoire. Plein de surprises. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Bon, t'es content, t'es heureux? Franchement, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mes enfants, ils ont la santé. J'ai une carrière magnifique. Dieu merci, un public. Mon public, il est extraordinaire. Il est là, hein, il est présent. Je vois les morceaux. Non, il est extraordinaire. Franchement, tous les jours. Comme je dis, c'est souvent un public silencieux. Mais il est énorme. Ah bah quand ils viennent te voir en concert, j'ai pas l'impression que tu fais silence. Hein. Ouais, ils sont pas silencieux sur scène. Que... Non, ça se passe bien. Voilà. On va pas se plaindre. Et bah, allez-y, tiens, balancez nouveau message avec l'hashtag Soprano sur Skyrock. On va parler aussi. Tiens, j'ai vu que t'avais balancé un truc sur Facebook ce matin. Ouais. On va en parler dans un instant. J'ai balancé beaucoup de choses. Ouais, tu cherchais un contact pour. Ah, les jeunes, pour des petits gars qui ont balancé une vidéo. Attends, il y avait des petits jeunes là. Attends, ils viennent de Bruxelles là. Je suis tombé dessus, ça s'appelle New School. C'est un truc de malade. Bon, on va en parler avant 21h. Ne bouge pas. Donc je répète encore une fois ce que j'ai dit pour les gens. Voilà, sur les gens qui ont le contact de ces jeunes là, ben qui me donnent le contact. Il y a déjà des gens, je crois, qui m'ont envoyé des mails, des messages. Donc ça, c'est sur Facebook. T'as balancé une vidéo New School, hein, il s'appelle. Ouais, ils sont trop forts. Yes. On va en reparler. Envoyez vos messages avec le hashtag Soprano sur Skyrock et on débute avec un morceau du live. Allez, vas-y. Parce qu'on l'a pas dit, mais il y a aussi un live qui sort sur la réédition de Cosmopolitanie. Ouais, en fait, c'est venu. Ouais, c'est pas une réédition, c'est un peu ouais, plus. C'est, ouais, c'est une édition c'est live. Un coffret, on va dire. Voilà, c'est un cadeau. C'est un album avec 6 morceaux live. Ouais, c'est un cadeau, comme dit Soprano. C'est un avant-goût de ce qui peut attendre les gens en tournée. On l'avait fait avec les psychiatres et les gens, ils avaient kiffé d'avoir dans leur voiture cette ambiance qu'ils avaient retrouvée pendant les concerts. Et pour les gens qui vont venir, qui voient un peu l'ambiance aussi qu'il y a à travers les concerts. Je suis en train de vérifier, c'est le 20 mars la sortie? Ouais. Non, c'est un vendredi. 16. C'est un vendredi le 20 mars, donc le 16. Le 16, pardon. 16 mars. Yes. Ouais, c'est la semaine où on est à Paris en fait. Voilà, c'est la semaine du 16 mars. La semaine du Zénith de Paris. Bon, en même temps, il sera toujours en vente le 20 mars aussi. Donc, ouais, de façon, voilà. Ouais, C'est le 16. C'est le 16, la sortie de cette pas édition. Pas que le 16. Collector, on écoute un extrait maintenant. Clown. Allez, vas-y, allez, clown en live, c'est quelque chose. Avec ça. Sopra, ça donne ça. Je sais bien que vous n'en avez rien à faire de mes problèmes quotidiens, de mes poubelles, de mes colères. Je suis Je me cache derrière ce sourire angélique depuis longtemps. Je ne sais plus m'en défaire. Mais qui suis-je vraiment? J'ai perdu mon chemin. Avez-vous vu ma détresse? J'ai l'impression d'être un chien qui essaie de ronger sa laisse. Mais ce soir, là, ça n'est plaît. Vous voulez que ça bouge? Donc je nettoie ma peine. Et ce costume qu'on enfile tous les jours, dis-moi, est-il fait sur mesure ou nous va-t-il être grand? Ça, ça a été enregistré sur la première partie de la tournée. Ça sort le 16 mars aussi en CD, en précommande dès maintenant. Je viens d'entendre. Chaque fois que j'entends, je me dis putain, merde, y a pas un concert à heure là. T'as envie de le faire? Non, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Il doit y en avoir quelques-uns aussi, c'est n'importe quoi. Cosmo, c'est le pire. Ça veut dire, on va essayer d'en passer une version tout à l'heure. On va voir avec. Mais il y a une version. Pendant la tournée, on faisait Cosmo, on l'a fait à Brest 8 fois d'affilée. Oui, à la Jay-Z Kanye, quoi. Mais c'est le public qui a demandé en fait. C'est eux qui ont trouvé l'idée en fait. À chaque concert, on faisait. Ça monte. Bon, j'espère qu'à Marseille, on n'arrivera pas à 13. Sinon, ça veut dire waouh, physiquement, on va mourir. Amis marseillais, allez-y, bombardez. Mais en tout cas, c'est super cool parce que la dernière version, à chaque fois, c'est le public qui le fait tout seul. Et c'est un truc de fou. On va essayer de passer la version du public seul. Très bien. C'est dans un instant. Et puis ça repart en tournée donc pour Sopra le 10 mars. Avec un décor, on peut dire un mot d'ailleurs sur ce décor qui est incroyable, non? Bien teinté. Tu as bien teinté, Fred. C'est bien teinté. Il est incroyable mot, quand même. On a dit un mot, voilà. Il est incroyable. Voilà, il est incroyable. C'est un mot. C'est un mot. Voilà. Allez le voir à partir du 10 mars Toulouse. Il y a Dijon le 12 mars, le 13 mars à Metz, le 14 à Saint-Quentin, le 15 au Zénith de Lille, le 17 à Dunkerque, le 18 à Amiens, 20 mars au Zénith de Paris, ensuite à Nantes le 21 mars, 31 mars à Lyon. Et je vous filerai après à avril parce que ça va loin. Ça t'emmène jusque fin 2015 en fait. Ouais. Ça va être fou quand tu regardes ton agenda. Bon alors. Rendez-vous. C'est surtout chez moi. Ça doit être aussi à la maison. C'est technique. C'est tendu, mais bon. Ça doit être tendu technique. Aussi à la maison. Écoute, j'ai un petit problème, je serai pas là avant 2016. Dans le meilleur des cas. Non, ça va, on arrive à s'organiser. Ils viennent me voir un peu de temps en temps, donc c'est cool. Profitez de Sopra. Il y a des gens qui ont gagné des places, parce qu'on a fait des roulettes avec toi, on a fait tourner, et qui n'ont pas reçu les places, donc ne vous inquiétez pas. Vous avez reçu l'album de Sopra, mais les places là arrivent dans les jours qui viennent. J'ai vu notamment, c'est Orvay qui nous envoyait ça pour le concert du Zénith de Paris. Ce sera le 20 mars, elle aura ses places pour le 20 mars. Ainsi que tous ceux qui s'inquiètent de pas les avoir reçus. Yes. Sopra, je le disais il y a quelques minutes, ce matin tu as balancé sur Facebook, c'est vrai que tu es très actif sur les réseaux sociaux. Yes. Et sur Facebook, tu as balancé de jeunes Bruxellois. Ah, tu as des contacts? J'aimerais que tu nous racontes cette histoire. Comment ils sont arrivés sur ton Facebook? En fait, tu vois, souvent, sur, quand moi j'aime bien quelque chose, souvent je le mets sur Insta, sur Twitter ou sur Facebook, qu'importe le style, je m'en fous. Quand j'aime bien un truc, je le mets. Et là, je suis tombé sur des jeunes bruxellois là, qui rappe, ça chante sur des thèmes sérieux, sur des trucs. Je dis, oh, c'est quoi ça? Donc, direct, j'ai partagé et voilà, je voulais leur contact parce que franchement, ils déchirent. Parce que voilà, s'ils arrivent à avoir leur contact, si je peux les inviter quelque part ou je sais pas moi, ce serait cool. Attends. Tiens, c'est ça que t'as balancé ce matin sur Facebook. C'est ça. Ouais, c'était ça. Bruxellois. Voilà, une petite dédicace à eux. Avanti. Yes, c'est là, bon. Oh, un petit extrait. On a réveillé l'eau qui dort. On vise les gros billets. Donc systématiquement, en freestyle on lâche des rafales. Et celui qui dit qu'il aime pas Isman, je crache du feu comme l'un de ses X-Men ou comme Eminem dans Hitman. J'ai ce pouvoir de faire des hits sur un coup de tête, bientôt on m'appellera Hitman. Chesco aka la tempête, des flots, des phases, y'en a des centaines. Donc va prévenir les cons qui s'entêtent à tester qui finiront sans tête. J'écris des textes de psychopathes, le talent ça s'explique pas. Acide, j'ai même les petites tapes, nos bouches sont des guns. Pas Andy, Cédric, Sida, cette fois je fais les cases des deux milieux. Madame Marco. Voilà, un petit extrait donc de ce groupe qui s'appelle New School. Yes. Et tu sais qu'est-ce qu'il y a? Rock, rien n'est impossible. Rien du tout. Tu as trouvé leur contact, tiens bon. Dis allô. Non. Dis allô. Allô. Allô. Non, c'est les. Hey, c'est les Bruxellois ou quoi? Allô. Allô, allô. Capital de l'Europe ici. Capital de l'Europe. C'est qui alors? C'est qui alors en ligne, messieurs? Y a qui? Allô. Allô, allô. Vous nous entendez bien? Bruxelles, c'est loin donc les connexions ouais, parfois. non, y a qui en ligne avec nous alors? Donc c'est Silex. Silex de Silex et Psycho. Et Psycho de New School. Eh les gars, félicitations. Putain, oh, ils ont été bons, ils ont trouvé vos. Eh, félicitations, franchement, c'est lourd. Ah, merci la famille, ça fait plaisir. Ah, franchement, vous ça faisait longtemps. Vous les avez jamais rencontrés, même à Bruxelles? Non, c'est la première fois que je les entends. Même à Bruxelles, on s'est jamais croisés, peut-être, non? Non. On s'est jamais croisés. On n'a jamais eu cette occasion. Non. Bon, alors, un petit mot quand même sur les New School. C'est qui les New School? Vous avez sorti quoi? Qu'est-ce qui arrive? Donc New School en fait c'est en préparation, ça prépare un projet, on bosse. Et c'est un groupe constitué de 5 MC. Donc c'est en direct de la capitale et on va sortir un projet très bientôt, là on essaye. Mais on est en train de bosser dessus. Ah, on va sauter dessus mon frère. Parce que j'ai écouté celui-là et deux autres là, j'ai dit oh là là là. Les mecs ils rigolent pas à Bruxelles. Ah, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Ouais, ça fait plaisir à toi. En tout cas merci, un gros big up à toi, ça fait vraiment plaisir. Non, il n'y a pas de mon frère. Et ça ce morceau il date de quand alors New School, le morceau qui a balancé Sopra justement ce matin sur les réseaux sociaux? Il l'a fait juste ce week-end là, entre deux sessions de studio. On s'est dit tu sais quoi, on va un peu décompresser dans le jardin. C'est tout neuf ça? C'est ce week-end, ce week-end. Ah ouais, d'accord. Ouais. Ce week-end, ouais. Hey, vous sentez pas de comment ça s'appelle? Si, eh ouais, mais je propose un truc, mais si vous vous sentez vendredi, venez à Sky, on fait un gros freestyle avec plein de monde. Sérieux? Ouais. Vendredi là? Ouais, oh, vendredi. Lourd. Si vous êtes là, venez. Il y a normalement on aura Puissance Nord, on aura Siana. Ouais. Ah lourd. Ouais. Okay. Et bah trop fort, on vous attend vendredi. Vous êtes tous libres? Ouais, tous libres. Et bah vendredi, c'est lourd. Rencard entre 20h et 21h. Aïe. Non, bah, franchement, les gars, franchement, ça déchire. Ouais. J'espère que t'auras pas chaud parce qu'on va te ramener des glaçons, non? Non, il faudra mettre le feu. Donc, on va essayer de mettre les glaçons après. Voilà. Ramenez liquide, on va gérer après, vous inquiétez pas. Bon, okay. Merci à vous et bonne chance. On peut vous suivre. Merci. Ouais. Les New School, on peut vous suivre où sur le net, sur les réseaux sociaux? Donc sur Facebook New School, sur Twitter New School BXL, sur Facebook New School BXL et sur Instagram New School BXL. Et ben on vous attend vendredi les gars. Bonne chance les gars. En tout cas franchement bravo à vous et on se voit bientôt j'espère vendredi. Ok, on dit à vendredi alors. Ça va. Pour le Planet Rap avec Sopra, bah terrible. Oh putain, ça c'est lourd. Alors là, si, tu vois ça? Ah, ça cool. Ça c'est cool. Ah, mais tiens bon, toi. Ah, tu as besoin d'autre chose? Un numéro de. Ben, il y a Drake que j'aime beaucoup. Il y a Drake que j'aime beaucoup. Si demain. Tu peux, voilà. Allô, si Sopranos. C'est Drake. Demain. Si tu arrives à voir Drake, Chris Brown, c'est bon. Demain, on prendra Drake ou Chris Brown dans la semaine, hein, Fab. Momo, t'as deux, trois contacts. Gilo. Momo, il va nous avoir à l'œil. Moi, tu peux avoir le numéro à Gilo. Vous voulez pas des joueurs du PSG parce que Momo, il les a. Mais non. C'est intéressant. Non, moi, attention. Un petit Adrien Rabiot. Moi, j'aime bien Matuidi quand il a pas son maillot. C'est un gars que je kiffe. Ibrahimovic aussi, quand il a son équipe de Suède. En plus, qu'on m'avait fait un super cadeau. Ouais, bah, c'était pendant le lancement de l'album. Ouais. C'est vrai. Même si, voilà. Tu l'as mis où d'ailleurs le maillot quand t'as offert? Ah, lui de Suède, bon. Magnifique. Il y en a d'autres qui m'ont offert celui de Paris. Celui-là, je garantis pas qu'il est resté chez moi dans un bon état. C'est tout. Voilà. Ou dans la bonne pièce. Il a pu finir dans une pièce. Je comprends, tu as eu raison de t'énerver parfois sur des maillots. Et je comprends que ce soit tombé sur le nôtre. Mais en tout cas, franchement, super. New School terrible. Ouais, ça va faire. Ouais. Ah, en fait, j'ai balancé le vendredi. Qu'est-ce qui va se passer en fait? C'est fou. Hein, j'ai balancé, je vais devoir. Il y a des gens, ils ont vu que j'ai dit Sienna. Ah, ben oui, il y aura. Ah oui, t'as tout balancé en fait. C'est pas moi pour une fois. Oui, voilà. Grosse soirée freestyle, on peut le dire, on peut l'annoncer, parce que il y aura non seulement New School que tu viens d'inviter à l'instant. Eh ben si, putain, c'est cool. Tu as vu, c'était pas prévu. Là, c'est cool. Ils vont venir avec. Il y aura Puissance Nord. Il y aura Sienna aussi qui fait la première partie de notre tournée. Qui défonce tout, Sienna. Voilà. Une bonne énergie, on aime beaucoup. Voilà. Ouais. Très très fort. Elle était venue d'ailleurs, pareil, au lancement de l'album. Lors des fameux Planète Rap en live. Puissance Nord font notre première partie. Ils vont faire quelques premières parties. Il y a Révolution Urbaine aussi. Je leur fais une dédicace. Ils sont dans les parages. Montpellier. Monté aussi. Pas de problème. Voilà, ils feront quelques dates aussi. Ils vont faire Montpellier, Puissance Nord aussi. Et s'il y en a aussi dans la tournée. Très bien. Sopra, dans un instant, on va revenir. Qu'est-ce qu'on mettra alors? Le live de Cosmo? Cosmo live, on met? Le public? Ou tu veux le faire plus tard? Je sais pas. Ouais? I don't know. Réfléchissez pendant la pub. Allez, vas-y. On va réfléchir pendant la pub. Et Fresh Prince live, on va voir. Ouais. Les deux vont très bien, hein, les deux. À mon avis, pareil, le Fresh Prince en live, il doit être fort aussi. Ouais, c'est la chorale. Celui-ci à vivre, c'est un truc incroyable. Bougez pas, c'est dans un instant le retour de Planète Rap avec Soprano. Ladies and gentlemen. Mets le son en fond, la famille, c'est Soprano dans Planète Rap. Skyrock le reçoit en direct et pendant une heure complète ce soir. Avec Soprano, en direct sur Skyrock. C'est Skyrock et c'est Soprano, notre invité Cosmo Tour, qui repart là, hein, dès le 10 mars du côté du Zénith de Toulouse. Exactement. Et vous jouez aussi à domicile, à Marseille, vous allez jouer. Par contre, je crois que c'est bientôt complet. Ça. C'est le 3 avril au Dôme. Il reste très peu de place. Méfiez-vous, hein, de Marseille, ville dangereuse, on l'a vu encore hier soir sur M6. Attends, mais je vais dire un petit mot. Très dangereuse ville, avec des gangs, des karatés. Non, mais je vais dire un petit mot. C'est n'importe quoi. Je sais, réagis parce que toi, t'as réagi sur Twitter ce que tu m'expliquais hier. Mais parce qu'en fait, tu vois, moi maintenant, tu as vu, j'essaye de prendre des distances quand il y a des trucs comme ça. J'essaye d'être juste quand je fais mes interventions, quand il y a des trucs d'actualité. Là, je pouvais pas. Là, à un moment donné, tu vas dans chaque ville de France, tu vas voir qu'il y a. Tu te concentres sur une rue, tu vas trouver des trucs comme ça. Là, de salir Marseille. Ouais, faut raconter, c'était une enquête exclusive à Marseille. Hein, mais ouais, c'est n'importe quoi. Et le truc, c'est que moi, j'ai tweeté parce que. Et c'était Marseille, ville dangereuse avec. Les mecs, ils ont mis ma bande-son partout. À chaque coin de rue. Ils mettaient ma bande-son dans leur reportage. T'as envoyé un petit tweet. Mais bien sûr, j'ai dit ne mettez plus mon son. Et pour réponse, j'ai eu une très belle réponse d'ailleurs. Mais ça aussi, il faut le dire parce que je trouve ça assez grave, même la réponse d'ailleurs que tu as reçue. Elle était quand même. Comment te dire? J'ai une réponse de quelqu'un qui est au Front National. Qui est le maire, c'est ça? Ouais, qui est. C'est un élu. Ouais. Un élu. Bon, il n'a pas été méchant, mais il a dit non, au contraire, ils l'ont fait à la bien le reportage. Ah oui, donc c'est vicieux, encore plus vicieux que tout. Ouais. Je pense que c'est une technique buzz peut-être, je sais pas, mais. Mais non, on peut pas. Marseille, c'est pas que ça. Voilà, on peut pas. Non, mais en tout cas, ça. Ce qui est assez terrible, Marseille, c'est qu'on peut pas valider ça. Ce que je disais qui est assez terrible, c'est quand même la réponse donc de cet élu Front National qui quelque part justifie un petit peu leur discours constamment. Après, tu sais, c'est très bien qu'M6 diffuse ça. Grosso modo, c'est ce qu'on vous dit depuis des années. Grosso modo, ça accompagne leur démarche. Ouais, c'est ça. Ça accompagne quelque part la démarche. Mais bien sûr. Moi, par exemple, le premier truc qui m'a choqué quand j'ai vu ça, j'ai dit voilà, ça, c'est encore un truc qui va aider le Front National. Des gens. qui maintient pas une, que le Front National, des gens qui ont des voilà, qui ont qui sont là pour diviser les gens. Et c'est ça qui m'a un peu ça m'a un peu cassé les pieds. Ah, c'est pas la Cosmopolitanie, hein. L'enquête exclusive d'hier soir, c'est pas le Cosmotour, hein. T'es d'ailleurs ami d'M6, n'hésitez pas, un Cosmotour qui aura lieu à Marseille le 3 avril, peut-être de mettre des caméras à la sortie, de voir les gens, les gens comme ils sont heureux en sortant. Exactement. Non, il faut faire attention parce que il y a pas longtemps aussi, il y avait une émission à M6 où ils se sont trompés, ils ont mis la vidéo d'un collègue à moi qui est comique, ils ont dit que c'était lui qui était rentré dans le commissariat, je sais pas si vous vous rappelez cette histoire, qui a crié Allahu Akbar et qui a planté les mecs. Il a fait une blague autour de ils ont confondu une vidéo qu'ils ont trouvée sur YouTube, ils l'ont mis à la télé, c'est passé sur le journal, et c'est un ami à moi comorien qui a aucun rapport, il a la même barbe que lui, ok, mais c'est un comique. Tu vois, donc vérifier vos sources. Voilà, il faut faire attention. Ouais, même si je sais pas. C'est déjà assez tendu. Aujourd'hui, on a besoin d'entendre, de voir des trucs qui rassemblent les gens, pas des choses voilà, qui divisent. En dehors de ça, c'est voilà. Vrai. Après, faut pas non plus cacher. Il y a aussi une réalité, évidemment, d'une violence, de ce que partout, tu veux. C'est partout pareil. Mais c'est vrai que si tu focalises parfois sur une ville constamment et que tu y mets une caméra, tu peux trouver des trucs aussi hardcore dans malheureusement plein d'autres villes. Exactement. Et dans le monde entier. Et dans le monde entier. Et je rappelle que Marseille est quand même une ville accueillante et qu'on passe quand même des super moments à chaque fois. Bien sûr. Même attention, il y a des problèmes, il y a des trucs. Oui, il y a l'OM quand il y a un véritable problème, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Bon, par contre, là on va te faire karaté, là. Hein. Oh merde. Désolé. Oh merde. Non, mais pour revenir sérieux, voilà. Arrêtons de focaliser. C'est lourd, c'est lourd. Et puis montrons les belles choses que constamment montrer toujours les mêmes trucs. Exactement. Arrêtons de montrer. D'alimenter la peur, ça commence un peu. Voilà. Allez voir un peu Sopra en concert, tiens. Exactement. Et vous verrez qu'il n'y a pas de problème. Toutes les couleurs, toutes les races. Mais ça intéresse personne. Ça non, c'est vrai. C'est du moins. Ouais, ça ne doit pas les intéresser énormément. Voilà, c'est ça. En fait, moi, tu vois, j'avais des a priori sur TF1, mais là, tu vois, c'est M6. Deux fois, tu vois, ça me. M6, ne loupez pas le concert de Sopra à Marseille. Il y aura les karatés. Mais attention, pas tout le monde, je pense. Il y aura des bandes de Marseille-Saint-Charles. Comme ça. Ils seront tous là. Venez tous au concert M6 avec toutes les caméras. Je généralise pas, tu vois, attention, quand je dis ça, c'est le reportage, mais voilà, c'est fatigant. Je comprends que ce soit épuisant, en tout cas pour les habitants marseillais. Voilà. À qui on pense. On met un morceau, tiens. Morceau Cosmo, non, le Fresh Prince. Non, voilà, on a parlé, on s'est dit on va mettre le Fresh Prince avant. Ouais, Fresh Prince. Voilà, le Fresh Prince en live. Allez, c'est parti, Fresh Prince Soprano. Live. C'est sur Skyrock maintenant. Débarque dans le club, accompagné de la classe de Brad Pitt. Y'a qu'à l'époque de Chris Cross, le DJ met mon son dans la boîte, c'est le buzz. Un mec me prend la tête, un mec veut se faire du buzz. Mais si tu ne sais pas voir, ne t'approche pas de moi. Ma sécurité, j'ai fait tout pour tailler ta gueule. Quoi? Bref, nous comparons pas au reste. Ils sont devenus célèbres comme la femme du Kanye West. Chez nous, on fait des hits depuis l'époque de la marelle. Oui, je sais, je vieillis pas, on l'appelle Samarelle. Ils se prennent pour Barcel, Stringer Bell. Quand tu prends le micro, j'entends. En boîte avec des lunettes à la Michel pour nos rêves. Yeah. On rentre dans le club habillé comme des princes. Fraîche, fraîche, fraîche, on dit nous on pèse. Mets-toi bien, ce soir c'est moi qui reste. Si tu danses à la cartonne, on danse quoi? Danse à la cartonne. On danse comment? Danse à la cartonne. On danse qui? Danse à la cartonne. On danse quoi? Danse à la cartonne. Jeffrey. Ramène tous les garçons. Jeffrey. Ramène tous les garçons. Jeffrey. Débarque dans le VIP, stylé comme Fresh Prince. Une arrivée royale comme Eddie Murphy dans le Queens. Tous les yeux sur ma salle, tous les yeux sur ma salle. Toi t'es tapé comme sur Arte, donc normal qu'elle te ça. J'attends des mecs qui et des mecs qui prennent. En voyant ma dernière. Mesdames, je suis marié. Physio, ces mecs sont des mythos. J'ai plein de cousins depuis que j'approche le salaire de Eto. Il est trop tôt pour aller au Hilton. Laisse-moi danser. On rentre dans le club. Fred is gone. Laisse passer le gigoteur. Belle chemise à la Biggie. Une coupe qui sort de chez Fab Barbershop. Oui, les gigoteurs aiment les gigoteurs. La classe ne fait pas le poule, mais le poule fait la classe. Mais ha ha! Jeffrey, fais le tout sans lui. Yeah. Ok, calme-toi. Zach. Hey, Jeffrey, deux secondes. Sopra, mettez-vous tous en ligne. Tous en ligne. Tout le monde en ligne. Tous en ligne. Le public aussi, les bras en l'air. Non, eux, les bras en l'air. Les deux bras en l'air avec le poing comme ça. Hey, ce soir, on danse à la. J'étais en train de me rappeler cette chorégraphie sur ce morceau Danse à la Carlton que j'avais l'occasion de faire que tu nous sur le Fresh Prince au Planet en striptease. Ah là là, c'est... J'avais l'impression que la chaise c'était une barre à striptease. C'était merveilleux. C'était... Et tu n'as pas besoin de danseurs d'ailleurs pour cette tournée. Oui, on a des danseurs et je te veux pas. On a ce qu'il faut. On a ce qu'il faut. Sur deux trois dates, je pourrais faire. Vous me descendez une barre et hop, c'est parti. Le concert se passe super bien. J'ai pas envie d'avoir. Il y a des jeunes, il y a des enfants, des parents. J'ai pas envie qu'il commence à. Voilà, il y a un problème à cause de toi. Je sais me tenir. Hein. Ouais. Les gens, on mettra la boisson très loin. Ah bah. Ça, c'est vrai qu'il vaut mieux. Avant, après, oui, mais. Avant, non, vaut mieux pas. Après la détente. Après la détente. Yes. Bon, donc je ne serai malheureusement pas. Sur la tournée. Show de Sopra, non, j'ai pas j'espère que tu seras là quand même à Paris. Paris. Sur toi pour que tu 20 mars. Tu viens t'amuser, c'est ça. Ouais, j'ai pas loupé ça. 20 mars, ouais, prochain, le 20 mars de Paris. Au Zénith de Paris. Et puis plein d'autres dates partout. Hein. Partout en France. J'ai filé mars, je peux vous filer avril. Le 1er avril, tu seras à Grenoble. Le 2 à Saint-Etienne. Le 3, justement, à Marseille, au Dôme. Le 4 avril, à Montpellier. Le 8 à Pau. Le 9 avril, à Bordeaux. Le 10 avril, à Niort. Le 11 avril, à Boisseuil. Le 12 avril, à Tours. Le 24 avril, à Strasbourg. Le 25 à Châlons-en-Champagne, le 26 avril à Montélimar, et puis après ce sera juillet, août 2015, octobre 2015, tournée des festivals aussi, il y a des festivals de prévu. Hein. Yes. Notamment Colmar, la foire au vin, tiens, ça j'aime bien venir. C'est le 16 août. C'est le 16 août, toujours. Il y a le festival de Bourges aussi. Ouais, printemps de Bourges. On se rend au printemps de Bourges. Celle-ci. Yes, avec le poteau Blacko. Et le 30 avril, on se rend au Forêt National à Bruxelles, justement. Mais il me manque plein de dates, qu'est-ce qui se passe? Eh oui, mais ça s'arrête plus, le Cosmotour, tu comprends? C'est vrai qu'il y en a plein. Même nous, tous les jours sur le planning, ça se rajoute. Mais pour préciser, en fait, tu sais, c'est que. Moi, je fais des concerts, je fais des CD pour aller en concert, en fait. Moi, c'est mon truc. Moi, la scène, c'est mon truc depuis que j'ai 17 ans, tu vois. Ça veut dire, avec les psys, on montait sur scène quand il n'y avait pas Internet. Tu vois, on fallait se faire connaître comme ça. Il fallait mouiller le maillot. Il fallait faire le show. Il fallait sauter. Il fallait faire des flots de ouf. Il fallait faire chanter le public. Il fallait, tu vois, tous ces trucs-là. Moi, c'est mon truc depuis le début. Ouais, t'aimes ça. Ah ouais, moi, j'attends que ça. Moi. Et t'attends que ça. Voilà. Donc là, c'est reparti. Tournée des Zéniths avec un décor extraordinaire. On vous en parlera dans la semaine d'ailleurs de ce décor. Ne l'oubliez pas, chaque soir entre 20 et 21. Et là, on accueille Robs du 974. Salut Robs. Yo yo, comment ça va Fred? Salut. On forme la Réunion, tout va bien. Vous avez joué? T'as joué à la Réunion? Oui, mais bien sûr, la Réunion. Attends, on est venu deux fois et je crois qu'on vient bientôt en fait. On vient en fin d'année pour les vacances là. Bon, toi Robs, par contre, t'es en métro là en ce moment, c'est ça? Ouais, enfin, en métropole. Ouais, dans métropole. Dans le 9-4. Dans le 9-4, mais sinon tu viens du 9-7-4 et on salue la Réunion aussi évidemment. Zamalia. Robs, est-ce que tu es prêt pour ton petit freestyle maintenant? Allez, je suis prêt. C'est parti, coup d'envoi freestyle par téléphone. Yeah, bang bang. ROMF. Ok, check. Ok, parfait. faut que je prenne du recul, histoire de voir ce que trace mon stylo. Ce chemin cornu connu, mais différent selon tous les bélos. Des fois je suis perdu, je crois que j'avance souvent en reculant. Tout ça, ça perturbe le regard vide. Ainsi dans mon salon, je me cherche souvent entre deux titres de rap. Et puis dans le fond, je suis le mec se vend de gros tracks et qui veut vivre de ses sons. J'ai l'impression que trop de gens parlent et puis se foutent de moi. Tous ces bouffons verront un jour dans ma loge, je me taperai des barres dans le RER. J'observe la France d'en haut, la France d'en bas. De gros égos, de gros dégâts, des parano, des attentats, puis d'en ripa. J'ai comme une armure en disant mes semelles et je rends hommage à mes poteaux qui rejoignent beaucoup trop tôt le ciel. Et si la vie est belle, quand j'ai misère et ces armes là, en fait elle veut te plaire. Ta richesse jusqu'aux ouais, jet, tracé l'itinéraire. Des réunionnais bercés par le bureau sur les murs, des posters et vent son garde à l'entrée de l'Olympia. Hein, y'a ce qui se met. Ok, Robs à l'instant. Eh, hey, lourd mon frère. Merci, merci Zopra. Ah ouais. Yes. Je vous remercie. La Réunion représente 974. La Réunion, elle est là. La Réunion, elle est là, 974. La Réunion, les voisins, c'est les voisins. Allez, oui, c'est les voisins. Ah, nous. Et, bah ouais. Ah oui, nous, c'est les frères, ça. Avec les Comores, ouais, c'est ça. Bah, bien sûr, il y a des Comoriens à La Réunion et on se mélange avec eux, on se mélange avec tout le monde. Et d'ailleurs, c'est vrai que c'est assez fou, on parlait de cosmopolitanie, La Réunion, c'est vrai que c'est un des départements, justement, pour le coup, français, où il y a une espèce de cosmopolitanie incroyable. C'est un bon exemple. Ah, ouais, c'est le meilleur exemple. Il y a toutes les religions, c'est beau. Ah ouais, c'est beau. Ça porte bien son nom. Et bah ouais. Continuez, Rob, j'ai envie de te dire. Continuez à La Réunion. Y'a pas de soucis, ouais. Et Fred, je peux passer des dédicaces. Vas-y, on t'écoute. Donc, gros dédicace à mon gars Samir. Franchement, Sopra, il devient fou quand il écoute tous tes sons. Grosse dédicace. Il devient fou, il s'enjaille tout seul. Dédicace à tous mes gars sûrs, Samy qui m'écoute, il y a ma copine Estelle. Donc voilà, grosse dédicace à La Réunion, à JCAM Prod. Et voilà, tous ceux qui m'écoutent, tous ceux qui me soutiennent depuis le début. Eh ben très bien, merci à toi Robs. Chenny, La Réunion. Et à très vite. Yes. À très vite dans Planète Rap, Robs, à l'instant sur Skyrock. On va écouter. Alors est-ce qu'on l'écoute ce live, tiens, de Cosmo par le public ou qu'est-ce qu'on fait? Allez. Ça y est, c'est tout. Qu'est-ce que c'est le chef? Ah, Mesh, il est pas. Mesh, c'est le chef. Toi, tu veux pas? Pourquoi tu veux pas, Mesh? Je sais pas, pas maintenant. Pas maintenant? Donc qu'est-ce qu'on met? Tu as le disque là? Mais vas-y, je viens de voir un message, mets préface. On se fait un petit morceau de l'album tranquillement. Allez. Eh ben, on met la version album de préface. Ouais. Yes. Maintenant, vas-y. Sur Skyrock, c'est extrait de cette réédition qui sort le 16 mars. Yes. Enfin, c'est pas vraiment une réédition, c'est une édition collector. Exactement. Ouais. C'est une petite formule, album plus 6 morceaux live. Parfait. Yeah. Soprano. C'est l'album. Mais tu peux mettre un peu de l'encens. Yes. Nico, tu peux monter un peu ma voix. Ok. Que Dieu pardonne mes écarts, mes excès, mes manquements, mes yo-yo dans la prière, mes péchés, mes battements. Cœur pour la musique, pour la chair, pour l'argent. Qu'il accepte mon repenti avant le dernier jugement. Qu'il me donne l'endurance pour combattre mes démons. Qu'il me donne la patience quand je traverse le mauvais temps. Qu'il me donne le courage, la force et le ciment pour bâtir à mes enfants le bunker d'un régiment. Oui, je rappe depuis mes 15 ans. La chanson m'a évité la prison. Une pensée pour Papou, on t'attend à la maison. Les procès, les décès, la rue nous a bien baisés. Mais la vie c'est comme le rugby, t'as droit à plusieurs essais. Donc j'essaie, même blessé par les mauvaises relations. À cause de tous ces couteaux, j'ai le dos d'un hérisson. Mais t'inquiète, j'ai grandi. Je ne suis pas de ceux qui se vengent, mais plutôt de ceux qui croient en Dieu. Trop gentil, trop naïf, voilà mon plus gros défaut. Mon grand cœur, une gamelle, car rassasié des corbeaux. Oui j'en souffre, oui j'en pleure, car je suis quelqu'un d'entier. Si la richesse est dans le cœur, dis-toi que beaucoup m'ont ruiné. J'ai souri à la mort, croyant que la vie me snobait. Dieu merci, ma famille m'a prouvé que je me trompais. J'ai connu les coups de crasse, les angoisses, mais j'espère que ça roule pour toi. Mais sans joint de culasse, des kilos d'exomine pour camoufler mes paniques. Un sourire factice pour cacher mon Titanic. J'ai rappé mes blessures, ma haine envers l'être humain. J'ai pleuré tout mon encre pour le sol africain. J'ai chanté le malaise de toute la France d'en bas. Je suis l'enfant du peuple, donc tu connais mon combat. Même si j'ai fait de l'argent, j'oublie pas mes HLM. J'ai toujours été sincère, j'ai toujours été moi-même. J'ai rappé pour la street avec des flots fantastiques. J'ai toujours fait le boulot, et ça sur n'importe quelle feat. C'était pas pour le rallye, c'était pas pour la couronne. C'était pas pour être crédible, car je le suis pour ma daronne. J'ai promis aux darons d'honorer ses sacrifices pour devenir un bonhomme. Son histoire c'est ma notice, ma famille et mes amis que j'ai depuis la sixième. Je suis riche de leur présence, plus que de la SACEM. Les artifices du showbiz ne collent pas à mes principes. Faudrait que je fasse le voyou pour plaire à des journalistes. Donc fuck you, dis ça avec enthousiasme. Je ne serai pas la caricature de tous vos fantasmes. Je garde mon image, mes principes, mes valeurs, en hommage à cette jeunesse. racisme et toutes ces idées grotesques. En gardant la banane à la Dani Alves. Au moins pour Inaya, Luna, Lenny. Au moins pour ceux qui croient en cosmopolitanie. C'est Soprano avec Préface à l'instant sur Skyrock. C'est un morceau que tu fais en live aussi, celui-ci? Ouais, pour la tournée qui arrive, ah, ouais. En plus, c'est avec une surprise. Ah, voilà. Alors c'est quoi? Non, arrête. On l'amène d'une manière... Voilà. Un truc que je peux dire quand même, en fait, c'est que comme j'ai fait beaucoup de styles sur ce disque-là, parce qu'il s'appelle Cosmopolitanie, la tournée, j'ai fait un voyage sur tous les univers que j'ai fait, en fait. Et ça, c'est le côté rap. Donc, il y a un moment, on l'amène avec une manière rap. À la Soprano. Je ne peux pas dire plus. Voilà. D'accord. Bon, bah, faut aller voir Soprano. Exactement, les amis. On n'a pas le choix. Je vous invite à venir le voir. On n'a pas le choix. Il faut aller le voir à partir du 10 mars du côté de Toulouse. C'est ça. Et toutes les dates sur les réseaux sociaux, sur le Skyrock. Exactement, sur le Facebook à Soprano, vous pouvez retrouver toutes les informations à propos de la tournée. Tournée Skyrock à pas louper avec Soprano. Et puis, c'est toujours des moments. Tiens, on va refaire le petit jeu que j'ai lancé il y a quelques temps de cela. Parce qu'il y a des tournées, qu'on évoque des tournées. Quand on va voir un concert, je suppose que toi, t'as des souvenirs aussi. Quand t'étais gamin, t'allais voir des concerts et tout. Ouais, bien sûr. T'as toujours des histoires. Beaucoup en concert. Enfin, gamin, un peu mon premier concert, c'est NTM. C'est NTM ? Ouais. À Marseille ? À Marseille. J'étais venu au Dôme. C'était un truc de fou. J'ai pris une claque. Tu vois, c'est ça. Donc, t'as toujours un souvenir particulier. Ouais. T'es parti avec des potes. Ouais. Donc, dites-nous un peu vos souvenirs de Sopra, les tournées de Sopra que vous avez pu voir. Dites-nous à quoi vous pensez quand on vous dit Soprano en tournée. 41759 avec le hashtag Soprano sur Skyrock pour avoir un petit aperçu des souvenirs. Moi j'en ai des souvenirs du public, ce qu'ils font à chaque fois. Ah ouais, il y a une tournée, il y avait toute la rangée, quoi, il y a une des dates, toute la rangée, ils avaient des nez de clown. Ils avaient fait tous les nez de clown. Il y avait une autre date où tous ils avaient fait le smiley. Mm-hmm. La colombe, carrément, il y en avait, ils avaient fait le... Qui était venu avec des colombes, voilà, sur l'épaule. Ils ne sont pas arrivés avec ça, mais... Des dresseurs de colombes. Des dresseurs de colombes. Franchement, à chaque fois, ils ont un truc. Ils ont chaque fois... On a un public qui joue le jeu, on va dire. Ouais, ça te met bien, tu vois. Ils jouent le jeu à fond et ça fait plaisir. Dites-nous vos souvenirs avec Sopra, ce que vous avez fait peut-être aussi en concert en voyant Sopra 41759 avec le hashtag Soprano sur Skyrock. Est-ce qu'on ne se ferait pas un petit live maintenant dans le studio? Tu veux faire un live? Vas-y, on se fait. Qu'est-ce que tu dis? Parce que c'est toi, j'ai l'impression que tu décides tout là. Eh ouais, c'est moi le DJ. C'est toi la boss. Si j'envoie pas le son, on est cuit. Que de la capella. Non, ouais, pourquoi pas. Ben regarde, tu sais qu'est-ce qu'on fait? On se fait Cosmo. Je le fais en live là et après mes Cosmo le public. Trop fort. Tu vois? Quel concept, quelle idée. Je suis sûr qu'ils le font mieux que moi. Il y a des passages où j'oublie. Ça c'est travaillé quand même. Ah, c'est un truc de ouf. Ah, mais j'y parais que t'es pas branché, on me dit dans l'oreillette. Si, pourtant t'avais envoyé du son. Tiens, regarde, par exemple, voilà, je vois des messages, je vais lire quelques messages qui arrivent. C'est un message qui nous a envoyé par le hashtag Team Romano depuis 2006. J'ai géré ma première go sur Inaya. Sur le morceau Inaya que tu as fait en concert. En plus, elle me regarde là. Elle est où ta caméra? Oui, j'espère qu'elle comprend pas tout, Inaya. Non, t'inquiète, elle va sortir la calage, je le tire dessus. Voilà, une grosse dédicace à mes enfants, ils me regardent. Allez-y, tiens, meilleur public, vous continuez 41759 vos souvenirs. Tiens, clairement, cette année de la dopamine à l'état pur. Ah, regarde, ça c'est un beau souvenir. Quand il y avait Blacko qui était monté avec Jams sur scène, on avait fait une surprise, on avait fait Mélancolique Anonyme, on avait fait tout le monde était en rang assis. Jams, elle était cachée dans le truc. Personne ne savait. Et je dis, y a-t-il quelqu'un qui veut prendre la parole? Et d'un coup, elle s'est levée, le public, il a pété les plans. Tu te rappelles, William? Ils ont pété les plans. C'est il y a quelques années de ça. Ouais, Blacko aussi. Ah, mais Blacko, moi, c'est mon gars, ça. Blacko qu'on salue aussi, voilà. Yes. Perso, quand je l'ai vu, j'avais le smile. C'est vrai qu'on sort bien de tes concerts, en fait, Sopra. Pour avoir vu même les psychiatres et tout plusieurs fois. Tu sors de là, t'as passé un super moment, t'es bien. C'est le but, moi. Après, moi, c'est ce que moi je veux, moi, ce que les gens ont de ma musique, tu vois. C'est ce que je veux que les gens ressentent de ma musique. Excuse-moi, voilà. J'ai l'impression que Mej s'énerve d'un seul coup. Si, si, c'est bon, ça marche, ça fonctionne. On peut y aller ? Allez, c'est parti. Ah, tu envoies comme ça ? Ah ouais, comme ça. Ok. Yeah, yeah, yeah, yeah. Ok, sur Sky. Où sont les filles, les femmes, au tempérament de guerrière? Oui, qui savent comment faire la fête, qu'elles soient mères ou célibataires. Où sont les hommes, les gangsters, les pauvres ou les millionnaires? Les bobos, les mecs en survêtent, les intellos, les mecs en fumette. Où sont les quartiers, les blocs, les HLM mis de côté? Les résidences, les quartiers UP, les 205, les Audi TT. Où sont les plaques, les blancs, les jaunes, les verts, les rouges et les gris? Loin des amalgames politiques, ce soir, bienvenue en cosmopolitanie. Ce soir est un jour de paix. Ah, montre-toi comme tu es. Ce soir, pas de tenue exigée. Ah, yeah. Tout le monde fait la la la la la la la la la. Ce soir c'est rap, c'est funk, R&B ou bien électro. Variété, reggae, rock'n'roll, coupé, décalé, zouk et dancehall. Ce soir c'est boxe, c'est foot, c'est Messi et Ronaldo. LeBron James et Otomoto, c'est Sangoku et les Naruto. Ce soir c'est Kalash, posé, ce soir c'est mariage métissé. Les crêtes, les chauves, les cheveux frisés. Les blondes, les boules, les cheveux frisés. Ce soir c'est love and peace, unis grâce à la musique. Loin des amalgames politiques, ce soir plus personne ne nous divise. Montre-moi comme tu es, ce soir est un jour de paix. Montre-toi comme tu es, ce soir pas de tenue exigée. Ah, oh, oh, sur Skyrock, Cosmo Tour, c'est la cosmopolie. Oh, fais-moi rêver, les bras levés, unis on va très haut. Fais-moi rêver. Tous mélangés, unis on est trop beaux. Et moi rêver, les bras levés, unis on va très haut. Fais-moi rêver, tous mélangés, unis on est trop beaux. La, yeah. Tout le monde fait la, yeah, yeah, yeah. C'est la cosmopolie. En direct sur Sky, c'est la cosmopholie. Yeah, peace and love and unity. Fun aussi, faut pas oublier. Ensemble. Ah, ça c'est la version publique. Et gros big up au public de Brest. Ok, le dernier mot que je veux dire maintenant, c'est tout le monde, les bras en l'air. Je n'ai pas de mots pour vous dire comment ce soir vous avez tout cassé. J'avais envie de te demander qu'est-ce que tu fais pendant le morceau, en fait, tu t'assois? Non, il est chaud. En fait, je suis au milieu, on est tous devant. Mais je sais pas si on entend en fond, il y a des fois on entend nos voix, il y a mon frère qui fait ouh derrière, parce qu'il fait saute avec le public et tout, là, ça tue. Et donc, dernière fois, 7 fois à Brest, vous l'avez joué. 8 7 ou 8. Donc, à un moment donné, son prof, il pose le micro, il dit bon, ok, vous êtes chaud, faites-le. Et les mecs, voilà, le public, il le fait. Et ben, amis, en plus, Toulousain, c'est 10 mars. William, il vient de me dire, j'avais pas capté, mais celui-là, cette version, le morceau-là, il est en précommande avec l'édition live, hein. C'est ça, je me souviens. Si on précommande maintenant l'édition collector, on l'a tout de suite. Cette chanson, Instagrat. Exactement. Pour les gens qui sont pour avoir un peu des frissons. En précommande dans l'album. Très logiciel, Instagraté tout de suite, Yesopra. Voilà. Enfin, Sopra, il y a plutôt le public, hein. Reconnaissez-vous d'ailleurs dans le morceau. Je sais pas si c'est arrivé. Elle a fait toute la captation, celle-ci. Ça, Brest. Il y a Brest, tout à l'heure, il y avait Caen. Il y a deux, trois villes. Deux, trois villes qui ont été captées. On a récupéré, ouais. Voilà. Et que vous retrouvez donc sur cette édition collector. Exactement. En précommande dès maintenant avec un titre tout de suite. Voilà. Tous ceux qui précommandent, ils ont la Cosmo version en public, quoi. Magnifique. Sopra en tournée, c'est à partir là du 10 mars. Toulouse, Zénith de Toulouse. Avec Skyrock à pas louper, le 12 mars à Dijon, 13 mars Metz, le 20 mars Zénith de Paris, nous rappelons nos amis parisiens. 3 avril au Dôme de Marseille, hein, je rappelle à mes amis marseillais. Ah, aussi, mais attends, nos amis belges, voilà. Il y a le Forêt National 30 avril. Et ben, loupez pas, Sopra en tournée avant de le retrouver demain soir dans Planète Rap. On fait tourner la roulette tout de suite. Skyrock t'offre les toutes premières places pour la tournée Maître Gims. Eh oui, une autre tournée Skyrock, un autre événement. Ça sera un peu plus tard, au mois de novembre, à partir du mois de novembre. La tournée du génie. Gims. La tournée du génie. Ah, c'est génie. La tournée du génie. Et bah pour Yed, vous faites tourner la roulette et peut-être que Lucie sera d'Épervent. Ça va, Lucie? Oui, salut Fred, salut Soprano. Salut, ça va bien? Salut Lucie. Oui, vous? Et bah écoute, on est impeccable. On est bien, on est en pleine forme, début de semaine. Toi, tu fais quoi dans la vie, Lucie? Je suis étudiante infirmière en dernière année. T'as eu des vacances ou pas eu de vacances, toi? Non, pas encore. Rien, Lucie, pour l'instant. Non. Ça taffe dur. Tu as vu Sopra en concert? T'as vu Sopra déjà, non, Lucie? Mais non, mais j'aimerais trop y aller. Il faut venir. Tu n'as pas vu Gims non plus en concert? Et non plus. Il faut y aller. Alors pour un des deux concerts, je pense que ça peut pratiquement être fait. Pour l'autre, il doit rester encore quelques places. Mais dépêchez-vous, ça s'arrache, hein, les places pour Soprano. Hein. Eh oui. C'est pratiquement blindé partout. Donc dépêchez-vous de la Cosmo récupérer. Sold out. Cosmo sold out. Allez, Lucie, on y va, on fait tourner la roulette. Allez. Dès que tu veux, tu dis stop. Ok. Stop! Sopra, il fait le pain. Ça veut dire quoi en marseillais? Il fait le pain. Le pain. Oh, il fait le pain ou quoi? C'est ça qu'il a rajouté? Ouais. Eh ben, tu finis dans son sac, c'est ça que ça veut dire. Okay. Quand tu fais le pain, ceux qui font le pain finissent souvent dans leur sac. Finissent dans leur sac, ok. Ah. Lucie, écoute ça, écoute tous les morceaux. Écoute tous les morceaux, tu les verras en live. Merci l'équipe. Il y a deux places, on se dit quoi pour toi? Dijon, c'est le plus simple, Dijon? Ouais, Dijon, c'est plus simple. Dijon, pour moi. Alors ça paraît un peu loin, mais il faut déjà prendre des places maintenant. Vous voulez gagner sur Skyrock comme toi, Lucie, ce sera le 20 novembre prochain. Oh, merci. Du côté de Dijon. Je te fais plein de bisous. Merci, bisous toute l'équipe, bisous Sopra, continue, tu déchires. Merci beaucoup. Ciao Lucie, passe une bonne soirée. Ciao. Bonne soirée. Merci. Bye. Sopra pour cette soirée, première soirée dans Planète Rap. Tranquille. Et là, comme je viens de comprendre, vendredi ça va être un truc de malade. Je viens de voir qu'on est beaucoup, ouais. Oui, c'est sportif. Ils sont combien? Je les ai invités, mais ils sont combien? Oh là là. Ah ouais, ils sont 5-6, je crois. Ah ouais, ok. Combien? 6, 5 ou 6. Ah ouais. Artistes, ah ouais. Qui vont venir rapper? Ouais, déjà New School. Ouais. New School, tu parles de nos amis. Ils sont 6, ils sont. Déjà, ils sont 5 ou 6. Ok, d'accord. Plus. Plus un Snore. Plus un Snore, 102. Plus Siana. Ne vous inquiétez pas, on a eu Gradure il y a 15 jours, c'est bon. Il y aura Sac Diego, il y aura du monde. Ne vous inquiétez pas, c'est bon, là, sur les entrées, c'est bon. Ouais. Ah ben c'est cool. En tout cas, on va essayer de faire une semaine, on va essayer d'expliquer un peu comment ça se passe, un peu l'envers du décor du show. Nous saurons à quoi ressemble le décor du show demain, peut-être, ou après-demain. Voilà, donc on va inviter beaucoup de monde qui font partie. Le décorateur, celui qui a dessiné les décors, sera là avec nous. Ah, oh, ben on appelle Julien. Oh, on peut s'arranger. Le metteur en scène, on peut s'arranger. Et ben on va découvrir tout ça toute la semaine. Ouais, merci Sopra, merci Mej. Merci à toi. Pas de soucis, merci à toi Fred. Merci à vous tous d'avoir suivi ce Planet Rap avec Sopra. On revient demain et là c'est l'heure de retrouver Difool et toute l'équipe. Et oui, on est là. En direct. Comment ça va Difool? Et toi Sopra? Ça va impeccable. Impeccable, la même. Eh, attends, je vais essayer de faire la voix quand vous, faites, quand vous m'appelez là. Attends. Vas-y, vas-y, vas-y. Attends, je vais essayer. Alors, attends, on va faire. Qui est donc notre invité mystère ce soir? Alors, qui est l'invité mystère? Allô, allô, l'invité mystère en direct du sud de Planet Rap. Allô, comment allez-vous? Ah putain, c'est Gouloum. Ah, c'est Gouloum. Ah, c'est pas Gouloum. Marie, c'est pas Gouloum. Marie, c'est Goulou. C'est Gouloum. C'est Gouloum. Gouloum. Gouloum. Voilà, ouais. Gouloum. Bon, bah ça va. Bon, ça va, ils m'ont reconnu direct. Ouais, bah c'est bizarre. Parce qu'on est trop fort, hein, Sopra, tu sais. Ça vient de là. Bon, bah le Planet Rap, ton Planet Rap, c'est toute la semaine. Yes. C'est bien, ça nous met dans l'ambiance de la tournée. Voilà, on a un moment de tournée. Demain, il y aura mes petits frères qui vont venir. Eux, ils font mes battes tout le temps. Donc ils vont venir pour faire un peu des misères à Fred. Pourquoi tu dis oh non Fredo? Ouais, pourquoi? Parce que chaque fois soyez là demain. Parce qu'il y a Zach qui se le prend en grippe à chaque fois. Frédérico, ça finit au clash. Ah, il y a Fred, il va se faire agarre un peu alors. Ouais, il va se faire agarre. Ça y est, il flippe. Ah, en plus, je leur fais une dédicace. Ils ont sorti un morceau, mes deux frères là, juste aujourd'hui. Il y a un projet d'ailleurs qui se prépare. Voilà, il y a un projet. On en parlera bien demain. Voilà, on en parlera demain. Et dans tous les cas, il y a comment s'appelle? Il y a un morceau qui est déjà sur iTunes disponible qui s'appelle Mama. Voilà. Et ben voilà. Voilà, j'ai oublié, je leur fais une dédicace. Ouais, t'as bien raison, vous êtes au courant de tout hein, sur Skyrock. Hein. Écoutez, Planet Rap, soyez là demain à partir de 20h, on sera là aussi. Merci Sopra, merci tout le monde. Allez, à demain, ciao, ciao tout le monde. Salut, ciao. Et là, c'est parti avec Coco, on écoute Oti Genesis, premier son de la soirée. Et on arrive avec vous en direct, Radio Libre, c'est reparti. 1500 euros.